بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نكمل هذه الليلة إن شاء الله تعالى ما تبقى من باب الوتر في كتاب الصلاة. Aujourd'hui, on termine, Inch'Allah Ta'ala, dans ce cours, on termine ce qui reste du sous-chapitre lié au witr dans le chapitre de la prière. Inch'Allah Ta'ala. L'auteur qui nous dit, An Aisha radiyallahu anha qalat, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli min al-layli 13 raka'a. يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها. Selon Aïcha radiallahu anha qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la prière de la nuit avec 13 unités de prière, 13 raka'a. Il faisait le witr avec 5 unités. Il faisait le witr avec 5 unités. Il ne s'asseyait pas. Donc c'est pour faire le tashahhud. Il ne s'asseyait pas durant celle-ci jusqu'à la fin. رأينا سابقا أن المؤلف رحمه الله اشترط على نفسه أن يذكر من الأحاديث ما اتفق عليه الشيخان فحسب. On a vu précédemment que l'auteur رحمه الله il a mis comme condition dans son livre de ne citer que les hadiths muttafaqun alayhi, les hadiths sur lesquels les deux auteurs Al-Bukhari et Muslim sont d'accord. وهذا الحديث ليس لشرط المؤلف لكونه من مفردات مسلمين رحمه الله. Et ce hadith ne respecte pas les conditions de l'auteur, car ce hadith fait partie des hadiths que seul l'imam muslim a cité رحمه الله. ويؤخذ من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد على أو في صلاته بالليل على 13 ركعة. Et donc on tire de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'accomplissait pas plus de 13 unités durant sa prière de la nuit. La fi Ramadan wa la fi ghayri Ramadan. Et cela, il ne le faisait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant Ramadan et aussi durant les autres mois. Le prophète ne priait pas plus de 13 unités sallallahu alayhi wa sallam. Fassu'al alladhi yaridu fi kulli 'am hal yajuzu az-ziyadatu 'ala 13 raka'a. Et donc la question qui revient chaque année elle revient cette question. Est-il permis d'accomplir plus de 13 unités de prière pendant le Tarawih? Est-il permis de faire plus de 13 pendant Tarawih? Alhamdoulilah, cette année on a pris de l'avance. On commence à aborder le sujet dès maintenant. فينبغي أن يعلم أولا أن القول بعدم جواز الزيادة لم يعرف عن المتقدمين. Premièrement, il est important de savoir que le fait de dire qu'il n'est pas permis de rajouter ou qu'il n'est pas permis de faire plus de 13 unités, cet avis-là n'est pas connu des anciens savants. Cet avis-là n'est pas connu des plus anciens. قال عطاء ابن أبي رباح أدركت الناس وهم يصلون 21 ركعة. عطاء ابن أبي رباح رحمه الله il dit j'ai rencontré les gens et ils priaient et ils accomplissaient 21 unités. Ils accomplissaient 21 unités de prière. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف قيام الليل تدل على عدم تحديد في ذلك. Les hadiths, les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la description de la prière de la nuit montrent qu'il n'y a pas de limite en cela, il n'y a pas de limite de nombre. وقد مر بنا في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة بالليل فقال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. Et certes, on a vu précédemment dans ce même sous-chapitre, que le sous-chapitre lié au witr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé concernant la description de la prière nocturne. Et il a dit, mathna mathna, deux par deux, deux unités par deux unités. Et si l'un d'entre vous craint d'être rattrapé par l'aube, alors qu'il fasse une unité. فهنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف الصلاة بالليل ولم يذكر حدا. Et donc ici le prophète صلى الله عليه وسلم a été interrogé concernant la description de la prière nocturne et il n'a pas cité de limite. Il n'a pas cité de limite. وإنما بين أن الأفضل في الصلاة أن تكون مثنى مثنى كما رأينا. Mais le prophète là, à ce moment-là, il a montré que ce qui est meilleur durant la prière nocturne, c'est qu'elle soit donc par deux unités, comme nous l'avons vu précédemment. وإنما السنة بينت أن الأمر معلق بالطاقة. Mais certes, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle montre clairement que le sujet est lié à la capacité. Le sujet est lié à la capacité. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة التي تقوم الليل ولا تنام فقال عليكم ما تطيقون من الأعمال فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut informé de cette femme qui prie la nuit et qui ne dort pas, il a dit, vous devez accomplir ce que vous avez la capacité de faire, car certes, Allah ne se lasse pas tant que vous ne vous lassez pas. Allah ne se lasse pas de vous récompenser tant que vous ne vous lassez pas d'agir, d'accomplir de bonnes actions. فَلَمْ يُعَلِّقِ الْأَمْرَ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ وَإِنَّمَا عَلَّقَهُ بِالطَّاقَةِ الْقُدْرَةِ. Et donc le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas lié la prière nocturne à un nombre d'unités spécifiques, mais il a lié cette prière à la capacité. ومعنى أيضا قول الله تبارك وتعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. Alors accourez, concurrencez-vous dans le bien. Concurrencez-vous dans le bien. فالتسابق عام. Et donc, la concurrence dans le bien, la précipitation dans le bien, cela est général, sans limite spécifique. وَمِمَّا يُؤَكِّدُ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ فِي الشَّرْعِ مَا يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ وَمِمَّا يُؤَكِّدُ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ فِي الشَّرْعِ مَا يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ عَلَى 13 رَكْعَةٍ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةَ كانوا يصلون في الليل فرادا كل في بيته ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد لا تزيد على 13 ركعة وإنما تركهم يصلون ما يطيقون. Et parmi les éléments qui vont appuyer cette argumentation, qui vont appuyer le fait qu'il n'y a rien dans la législation qui va interdire le fait d'accomplir plus de 13 unités pendant la prière nocturne, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les compagnons radiyallahu anhum, ils priaient, ils accomplissaient la prière nocturne, chacun chez soi. Parce que le prophète, il l'a prié en groupe, mais ensuite, il a délaissé. Chacun chez soi. Et donc, il priait chacun chez lui. Et il n'a pas été rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a cité une limite spécifique dans le nombre. Mais il les a laissés prier comme ça. Il les a laissés faire chacun chez soi en fonction de ses capacités. Wa akhraj Abdul Razzaq fil musannaf an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi isnad sahih annahu amara Ubay ibn Ka'b wa Tamim ad-Dari أن يصلي بالناس التراويح 21 ركعة فكانوا يقرؤون بالمئين وينصرفون عند فروع الفجر. Et Sayyid Abdul Razzaq, il a cité dans son livre Al-Musannaf, selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, avec une chaîne de transmission authentique, avec une chaîne de transmission authentique, que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a ordonné à Ubay ibn Ka'b et Tamim ad-Dari, donc c'était à l'époque de Omar, il leur a ordonné de diriger la prière du Tarawih en accomplissant 21 raka'ah. En accomplissant 21 unités de prière. Ça, c'était à l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. فالمتأمل في هذه النصوص يظهر له خطأ القول ببدعية الزيادة على 13 ركعة. Et donc, celui qui médite sur ces textes qui ont été cités, il lui apparaîtra l'erreur. L'erreur qu'il y a dans la vie qui stipule que le fait d'accomplir plus de 13 unités est une innovation. Ceci est une erreur. وَنَحْنُ لَا نُنْكِرْ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 13 ركعة. Et certes, nous ne rejetons pas le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas accompli plus de 13 unités. Ça, on ne le rejette pas, ça. وكذلك لا ننكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأفضل. Et de la même façon, nous ne rejetons pas le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce qui était le mieux. ولكن لا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل في ركوعه وسجوده وقراءته صلى الله عليه وسلم فمن كان يطيل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن 13 ركعة خير له. Cependant, il n'y a nul doute il n'y a nul doute sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait une longue récitation pendant sa prière nocturne. De longues inclinaisons, rukur, de longues prosternations, sujoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait de longues prières. Alors la personne qui va faire long et qui va prier longtemps, de la même façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié longtemps, alors il n'y a nul doute que accomplir 13 unités, c'est la meilleure chose à faire pour cette personne. Accomplir 13 unités, c'est la meilleure chose à faire pour cette personne. Si elle fait donc de longues récitations, de longues prosternations, de longues inclinaisons, il n'y a nul doute que la meilleure chose à faire, c'est de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait. Amma ma yaf'aluhu an-nas min al-qira'ati al-qalila wa at-takhfif fi ar-ruku'i was-sujud fala shakka anna al-ikthara fi 'adad ar-rak'at afdal wallahu a'lam. Mais en ce qui concerne ce que les gens font dans le fait de réciter peu, pendant Tarawih, ils vont réciter peu. Et ils vont faire de courtes inclinaisons, de courtes prosternations. Parfois, il n'y a même pas le temps de faire des invocations après avoir dit Subhana Rabbi al-A'la, que l'imam l'est déjà remonté. Il faut finir Tarawih, il faut finir. Il n'y a nul doute que la personne qui va faire une prière aussi courte, il n'y a nul doute que le mieux, c'est que la personne augmente le nombre de rakahat, d'unités de prière. Wallahu ta'ala, a'la wa a'lam. On arrête là pour aujourd'hui, inshallahu ta'ala. Et la semaine prochaine, bi'idnillah, un nouveau sous-chapitre. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيراً.